Chapitre 24. Le concierge. Les averses bouillantes cédèrent la place au vent poussiéreux. L'été babélien touchait à sa fin, mais l'air était à peine moins chaud. Ophélie ne remarqua pas le changement de saison. Il lui aurait fallu pour cela avoir le temps de lever les lunettes vers le ciel. Elle se réveillait avant l'aube pour les corvées prématinales, faisait ses tours de stadium réglementaire, courait de l'amphithéâtre au laboratoire, avalait son bol de riz tout en révisant ses notes sur un coin de table, et il lui était interdit de se coucher avant d'avoir terminé ses corvées du soir. Le moindre retard se répercutait sur toute la semaine. En plus du reste, Lady Septima avait presque doublé les horaires des groupes de lecture au mémorial. Elle avait instauré un impitoyable système de classement basé sur la productivité individuelle. Plus l'apprenti se positionnait haut, plus grandes étaient ses chances d'obtenir la place d'aspirant. La cérémonie de remise des grades était imminente. Chaque minute comptait dans cette cadence infernale, et cela, les devins l'avaient très bien compris. Puisqu'Ophélie avait refusé de se retirer de la compétition, ils s'en prirent à ce qu'elle possédait de plus précieux au conservatoire. Son temps. Ils glissèrent des somnifères dans sa carafe de chevet, bouchèrent les toilettes pendant son tour de corvée, cousirent l'une à l'autre ses jambes de pantalon, bloquèrent le mécanisme de son lit, tous les stratagèmes étaient bons pour la ralentir. Les premiers jours, Ophélie vit son positionnement dégringoler dans le classement. Remplacer Médiana tenait du cadeau empoisonné, et pas seulement parce qu'elle s'était attiré la rancœur de ses camarades. Les heures supplémentaires qu'Ophélie passait dans la chambre froide du secrétarium venaient s'ajouter à un emploi du temps plein à craquer. Et il fallait dire ce qui était. Le manuscrit qu'elle devait expertiser pour Thorne lui donnait du fil à retordre. Il s'agissait d'un épais registre de conciergerie tenu au cours de la dernière décennie avant la déchirure. Il était rédigé dans un ancien dialecte régional de Babel avec un alphabet inutilisé depuis des siècles. Un véritable charabia aux yeux d'Ophélie. Le début de traduction de Médiana n'avait mis au jour que des relevés de marchandises, des inventaires d'équipements, des états des lieux, des consignes de sécurité et de salubrité. Rien qui fût apparemment digne d'intérêt. Ophélie s'était procuré les livres que lui avait recommandé Thorne, mais ils étaient si savants qu'elle fut incapable de les exploiter. Elle ne pouvait se fier qu'à ses mains. Hélas, les extrémités des pages du registre avaient été rongées par le temps, et c'étaient les parties les plus susceptibles d'être manipulées par des doigts. En d'autres termes, elle était privée du terrain le plus propice à une lecture. Il lui fallait de surcroît suivre le protocole expérimental imposé par Lady Septima. Cette méthodologie était plus exigeante que tout ce qu'elle avait jamais eu à faire dans son petit musée. Passer d'une page à la suivante réclamait un temps formidable. Ophélie examinait minutieusement chaque millimètre de papier et, quand elle était enfin traversée par une vision, elle se précipitait pour la consigner dans son rapport. Petit à petit, elle dressa une première ébauche du profil de l'auteur. Le concierge était de sexe masculin. Il souffrait de troubles nerveux sévères, mais il ne manquait pas de sang-froid pour autant. Malgré la méfiance dont il avait fortement imprégné le registre, il avait eu à cœur de faire consciencieusement son travail. Beaucoup de rigueur, un grand sens de la discipline, des séquelles traumatiques, un soldat retourné à la vie civile. Ophélie ressentait une forte gêne à la mâchoire chaque fois qu'elle tombait sur une empreinte. Le concierge était probablement un grand mutilé de guerre. Formuler tout cela par écrit exigeait d'extrêmes précautions. L'index interdisant d'utiliser les mots « soldat » et « guerre », Ophélie devait recourir à d'interminables périphrases comme « individu ayant servi dans une grande unité de préservation de la nation » ou encore « situation conflictuelle entre plusieurs pays recourant à des équipements de haut degré de nocivité ». Ophélie espérait et redoutait à la fois le moment de retrouver Thorne pour lui remettre son rapport. Comme il l'avait prévu, ils n'eurent plus une seule occasion de se voir en tête à tête. Lady Septima s'arrangeait pour assister à chaque entretien de façon à pouvoir juger par elle-même de la prestation de son élève. Elisabeth était, elle aussi, souvent présente, allant et venant entre les boxes de lecture et le secrétarium, faisant le point sur l'encodage ou apportant d'incessantes améliorations à l'ordonnateur. Ophélie devait donc toujours rester au garde-à-vous, appeler Thorne « sœur » et maintenir les yeux baissés. C'était une douleur quotidienne de le savoir si près et si inaccessible. Ophélie avait l'impression de ne pas l'avoir réellement retrouvé. Elle avait si peur de décevoir ses attentes qu'elle prenait très à cœur les missions qu'il lui avait confiées, si peur d'aggraver la distance entre eux, qu'elle observait scrupuleusement la discrétion qu'il avait exigée d'elle. Chaque fois qu'elle osait lui jeter un regard à la dérobée, elle était frappée par cette froide détermination qui l'animait. Thorne s'était déjà fixé pour objectif de contrecarrer Dieu à l'époque où il cherchait à lire le livre de Farouk, mais il avait accepté dès le début l'éventualité d'un échec. Ophélie l'avait vu s'épuiser à petit feu, se voûter au fil des semaines écrasé par le poids d'un fardeau trop lourd pour lui. Plus aujourd'hui. Son infatigabilité était celle d'un homme résolu à réussir, d'un automate plutôt. Thorne n'avait jamais une impatience, jamais un geste de satisfaction, jamais un mouvement d'humeur, comme si les émotions humaines étaient toutes des freins à sa productivité. Il exploitait méthodiquement chaque nouveau détail, si insignifiant fut-il, qu'Ophélie mettait au jour dans son expertise. C'est ainsi qu'elle vit les piles de documentation s'accumuler soir après soir dans toute la salle de l'ordinateur. C'était à se demander où Thorne trouvait l'énergie de lire ça en plus de son travail sur la base de données. Ophélie comprenait mieux pourquoi il ne quittait jamais le secrétarium. En attendant, les semaines passaient et elle ne savait toujours pas ce qu'il cherchait exactement dans ce registre de conciergerie ni en quoi consistait réellement son alliance avec les généalogistes. « Vous ne les avez jamais vus encore ?» s'étonna Blasius quand Ophélie l'interrogea à leur sujet. « Ce sont de vraies célébrités à Babel. Chacune de leurs apparitions publiques est extrêmement remarquée. » Il était juché sur une échelle pour remettre en ordre un rayonnage du mémorial. 2 mètres plus bas, Ophélie faisait mine de consulter un dictionnaire. Elle avait prétexté une recherche lexicale pour obtenir l'autorisation de quitter un instant son box de lecture. Ils se parlaient à voix basse, presque sans remuer les lèvres ni se regarder, chacun donnant l'illusion d'être concentré sur sa tâche. « Je n'ai pas très souvent l'opportunité de sortir, » dit-elle en tournant une page du dictionnaire. « Ils ont autant de pouvoir qu'on le raconte, ces généalogistes. »« Good lords, oui. » »« Ils tiennent un club prestigieux qui leur permet de récolter des informations personnelles sur chaque habitant de l'Arche, dans l'intérêt général. » assure-t-il. Ils savent pratiquement tout sur quasiment tout le monde. Vous aurez tôt ou tard l'opportunité de les voir au Memorial. Évitez d'attirer leur attention, miss, chuchota Blasius en tournant son grand nez dans tous les sens. Ce ne sont pas des gens aussi désintéressés qu'il n'y paraît. L'inquiétude qui perçait dans sa voix la toucha au cœur. Cela avait été pour elle un vrai soulagement de voir que Blasius ne lui avait pas tenu rigueur de leur mésaventure souterraine. Même s'il n'y avait plus fait allusion en public, ce secret était devenu le noyau dur de leur complicité. Ophélie n'avait pas souvent le temps de parler avec le commis, mais chaque sourire échangé au détour d'un couloir lui donnait du courage. Cette fois-ci, cependant, Blasius ne souriait pas. Il descendit de son échelle, ses yeux agrandis par la crainte. « Puis-je me permettre un conseil d'amis, miss? Je sais que les avant-coureurs, comme vous, ont l'information dans le sang, mais peut-être devriez-vous réfréner votre curiosité après ce qui est arrivé à votre camarade. Well, je ne voudrais pas que vous la rejoigniez là-bas. » Ophélie se coinça les doigts en reposant le dictionnaire sur son étagère. « Là-bas? Vous savez où ils ont emmené Mediana ?» Blasius passa une main embarrassée dans sa tignasse de hérisson, comme s'il regrettait d'en avoir trop dit. Ce fut la dernière vision d'Ophélie. La nuit tomba sur elle en même temps qu'un formidable bruit d'éclaboussure. Elle mit quelques secondes à réaliser qu'elle était couverte d'encre. Le liquide sombre et épais lui ruisselait dans les cheveux, sur le visage, le long du cou. « Damned !» s'exclama Blasius. « Je suis confus, ma malchance a encore frappé !» Elle ôta ses lunettes barbouillées et leva les yeux. Juste au-dessus d'elle, des silhouettes floues s'éloignaient furtivement, la tête en bas. Ce n'était pas de la malchance, ça. C'était un ballon lancé avec suffisamment de force pour s'arracher à la gravité du plafond et tombait droit sur sa cible. « Ne me touchez pas !» recommanda-t-elle alors que le commis lui tendait précipitamment un mouchoir. « Vous risquez de vous salir à votre tour. Vérifiez que les livres n'ont rien. Je vais me nettoyer. » Ophélie passa un temps considérable dans les toilettes du mémorial. Elle dut se rincer plusieurs fois le visage, les lunettes et les cheveux. Puis elle laissa tremper sa redingote dans le lavabo. Cette troupe de devins commençait sérieusement à l'agacer. Demander un nouvel uniforme impliquerait des corvées supplémentaires, et elle n'avait franchement pas besoin de ça. Pendant que le tissu dégorgeait son encre, Ophélie considéra son reflet dans la glace. Ses cheveux courts s'étaient collés à ses joues sous forme de spirale sombre. Elle n'avait jamais l'occasion de se regarder à la bonne famille, où les miroirs étaient absents. Elle était différente. Elle le voyait au fond de ses yeux, aux commissures de ses lèvres, jusque dans les frémissements de son corps sous le tricot de peau. Un trouble qui n'existait pas avant. « Je suis Eulalie, » murmura-t-elle. « Je suis Ophélie, » pensa-t-elle. Mais pour Thorne, qui était-elle vraiment? D'un coup de lunettes furtif, elle vérifia qu'il n'y avait personne d'autre dans les toilettes. Elle prit une ample inspiration pour se calmer, puis elle posa sa paume sur son reflet. Au bout d'un moment, la surface du miroir finit par s'amollir et la main s'y enfonça pour émerger à travers la glace du lavabo voisin. Puis, dans un long mouvement inverse, Ophélie la ressortit. Elle tremblait. Le miroir avait pris une consistance de boue, comme s'il avait essayé de résister à cette intrusion. La double vie qu'Ophélie menait à Babel allait-elle finir par lui faire perdre son pouvoir, ou bien était-ce une crise d'identité plus profonde? Elle se ressaisit en entendant le grincement de la porte et la résonance d'un pas sur le carrelage. « Ma mère te cherche, apprenti Eulalie !» Ophélie reconnut la voix d'Octavio. Elle soutint son regard par miroir interposé aussi longtemps qu'il l'observa entre les coulées noires de sa frange. Avec l'augmentation de la cadence des groupes de lecture, les sessions des deux divisions se faisaient désormais en commun. Cela n'arrangeait rien. Octavio se méfiait autant d'elle qu'elle se méfiait de lui. « Elle trouve ta recherche lexicale un peu longue, » ajouta-t-il, non sans une pointe de sarcasme. Ophélie aurait voulu le chasser, mais il avait le droit d'être ici. Tous les lieux collectifs étaient mixtes à Babel, y compris les toilettes. Elle retira la bonde du lavabo et, alors que l'eau se vidait dans un gargouillement sonore, elle essora sa redingote. Heureusement, la couleur bleu nuit de l'étoffe ne permettait pas de trop remarquer les dégâts causés par l'encre. « Tu n'as pas peur de rester seule avec moi ?» persifla-t-elle. « C'est ici qu'Amediana a été retrouvée en état de choc. » Les sourcils circonflexes d'Octavio se haussèrent. Ce léger sursaut se propagea le long de la chaîne d'or qui reliait son arcade à sa narine. « Je n'ai jamais prétendu que tu l'avais agressée. » « Non. » Juste que je me suis précipité pour prendre sa place. C'est rare de te voir aussi acerbe. Elle préféra ne pas relever. Derrière elle, aussi impassible qu'un sphinx, Octavio l'étudiait avec une sorte d'intérêt scientifique. Qu'est-il arrivé à ton uniforme et à tes bras? Ophélie se hâta d'enfiler sa redingote, bien qu'elle fût encore trempée. La plupart de ses coupures s'étaient résorbées, mais quelques-unes avaient laissé des marques dont il était facile de deviner, en particulier pour un visionnaire, qu'elles étaient récentes. « Il leur arrive que je n'ai pas ma mère au conservatoire pour protéger mes arrières. » Les yeux d'Octavio s'agrandirent et leur flamme s'attisa d'un coup. Elle avait touché un point sensible. Ce jeune homme n'était pas un volcan aussi éteint qu'il voulait le faire croire. Le provoquer n'était peut-être pas une bonne idée. « Je retourne à mon box, » déclara Ophélie. « Je ne voudrais pas faire attendre davantage Lady Septima. » Octavio la retint par le poignet au moment où elle s'apprêtait à sortir. « Pour ta gouverne, je n'ai reçu aucun traitement de faveur venant de ma mère. Je ne dois mes bons résultats qu'à mon seul mérite. Je veux simplement m'assurer qu'il en va de même pour chaque future virtuose, toi incluse. » Sur ces mots, il lâcha Ophélie et détourna le visage, comme s'il avait soudain honte de son geste. Les relations entre les hommes et les femmes étaient, comme toute chose à Babel, extrêmement codifiées. Les contacts rapprochés ne pouvaient se faire sans l'aval d'une autorité supérieure. Au conservatoire de la bonne famille, ils étaient purement est simplement interdit. Pour la première fois, les yeux d'Octavio évitèrent les siens. « Je suis quelqu'un de bien, » lâcha-t-il du bout des lèvres. « Je te le prouverai. » Quand Ophélie repassa devant les rayons où le ballon d'encre avait explosé, Blasius ne s'y trouvait plus. À la place, un automate finissait de nettoyer les dégâts en répétant en boucle « Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. » Pensive, elle se demanda ce qu'Octavio avait voulu lui dire. Ce soir-là, dans la chambre froide du secrétarium, Ophélie eut toutes les peines du monde à se concentrer sur le manuscrit. Ses paupières étaient en feu. Les journées ne lui laissaient aucun répit et partager l'intimité de 15 hommes hostiles n'aidait pas à bien dormir la nuit. Elle avait beau faire glisser ses doigts sur le vieux registre, là où le papier était à peine intact, le concierge ne lui parlait plus. La pensée de se présenter à Thornbredouille lui était intolérable, mais rien n'y faisait. Ce n'était que du texte troué à perte de vue, et il n'y avait plus Médiana pour achever sa traduction. Après une longue obstination, Ophélie laissa ses mains retomber le long du corps. Elle s'assoupit sans même s'en apercevoir, debout, devant le pupitre de consultation. Cela ne dura qu'une fraction de seconde, un fugace instant durant lequel elle se vit flotter en apesanteur au-dessus de l'ancien monde, si haut qu'elle pouvait voir l'horizon prendre la forme de la courbure planétaire. Un battement de cils plus tard, elle lisait « Bientôt cette foutue saison des pluies et ce foutu dôme qui va encore fuiter de partout, et cette foutue jungle qui va m'envahir toutes les chambres, et ces foutus gosses qui ne reviennent pas. À quoi ça sert de les avoir envoyés dans cette foutue ville? Qu'est-ce qu'ils vont y apprendre, à part que notre foutu monde, il est pourri? Et s'ils se faisaient lyncher là-bas, malgré leur foutu pouvoir? Bordel! Qu'est-ce qu'elle fait vide sans eux, cette foutue école? » Ophélie ne ressentit aucune surprise sur le moment. Plongée dans un état second, elle trouva soudain tout naturel de comprendre ce qui était écrit dans le registre. Elle se mit à entourner les pages dans un sens, puis dans l'autre, sans plus respecter la procédure, ne suivant que son instinct. En marge des inventaires, à côté des colonnes de compte, il y avait les commentaires du concierge. C'était eux, la vraie teneur du manuscrit. « Elle m'enquiquine avec ses foutues lumières au milieu de la nuit. Couvre-feu, c'est couvre-feu. Ces foutus gosses se sont disputés toute la journée. La guerre, c'était de la pisse de chat comparée au bordel qu'ils m'ont laissé. École de la paix, hein. Je souhaite bien du foutu plaisir à leur futur rejeton. » Et merde, J a disparu, pour de vrai cette fois, avec son foutu pouvoir, ça devait arriver. Et merde. Fausse alerte, on a retrouvé J, sur une autre foutue île, en parfaite santé. Ils sont increvables, ces foutus gosses. La petite A est venue me taper la causette aujourd'hui, je peux pas piger un foutu mot de ce qu'elle m'a dit. Elle m'a fait un dessin, je crois qu'elle veut un télescope. Je sais pas si ces gamins seront un jour les rois du monde, mais apprendre la langue d'ici serait un foutu bon début. Eh merde, on a encore perdu J. Ophélie tournait les pages sans pouvoir s'arrêter. Elle était en transe. Il lui semblait presque entendre la voix du concierge lui grommeler à l'reille, et elle pouvait sentir derrière l'âpreté des mots une incommensurable tendresse. Il les avait aimés, ces foutus gosses. Sincèrement aimés. Le registre s'achevait brutalement sur un dernier commentaire. Il m'épie. Cette foutue façon qu'il a de me regarder me flanque la trouille. Comme si j'étais un foutu intrus dans leur foutue école. Il n'est pas comme ces foutus gosses, celui-là. Je dois en causer au chef. Ophélie écarquilla les yeux derrière ses lunettes, tout à fait réveillée cette fois. Le texte retrouva aussitôt son opacité. Ce n'était à nouveau qu'un enchaînement de caractères sans queue ni tête, une langue qui lui était totalement étrangère. Apprenti à la lire, votre séance est terminée. Déclara la voix de Lady Septima à travers le tuyau acoustique. Ophélie se tourna vers sa feuille de rapport encore vierge, posée sur un coin de pupitre. Elle n'eut pas la moindre hésitation. Elle devait trouver un moyen de parler à Thorne, seul à seul.